Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Guémozo avec Les Secrets de Mathilde. Aujourd'hui, en ce 21 juin, nous célébrons le solstice d'été. L'élément feu est à l'honneur. Je vais vous donner quelques conseils pour vivre un été tout en douceur. En été, avec le beau temps et le soleil, le niveau d'énergie est bon. Mais c'est cela même qui peut conduire à vouloir en faire trop. Et trop bien, ou à se mettre inutilement la pression. Heureusement, l'été, c'est aussi le temps des vacances. Et il serait dommage de s'en priver, pour de bonnes raisons. En effet, en saison feu, il est bon de rompre un temps avec des challenges professionnels et le rythme soutenu du quotidien. C'est le moment plus que jamais de prendre le temps pour vivre, si possible proche de la nature et à son rythme, et de ne rien faire de spécial, dans le sens efficace du terme. D'ailleurs, la chaleur nous y invite naturellement. Le repos du corps et de l'esprit a tout son sens et sa légitimité pendant la saison chaude. Il est bon de changer la routine et de célébrer ces moments de liberté. Le corps, qui n'est plus engoncé dans plusieurs couches de vêtements, et peut ressentir l'air et le soleil. Les journées, encore longues, invitent à profiter des moments à l'extérieur. Le bien-être que procurent ces parenthèses estivales, que l'on soit en vacances ou non, vont contrebalancer la tendance à la performance, au rendement et à l'efficacité. Durant l'été, développez la douceur, la patience, la joie et l'amitié. Le matin, l'automassage à l'huile de coco est calmant, rafraîchissant et adoucissant. On peut prendre des douches ou des bains plutôt frais. Il est idéal de profiter de la fraîcheur matinale pour se ressourcer dans la nature, promenade au cœur des bois, le long des rivières, pour profiter de la fraîcheur. Le mieux est d'éviter le soleil du midi et du début d'après-midi. C'est connu, il est important de se protéger du soleil et de boire suffisamment d'eau lorsqu'il fait chaud. Sur le plan de l'exercice physique, il est mieux de préférer les techniques douces, telles que le yin yoga, le qigong, la danse, et éviter les pratiques trop solaires ou physiques du yoga, ainsi que les sports de compétition ou violents. Côté alimentation, les aliments peuvent chauffer ou refroidir le corps. Ce que vous choisissez de manger change complètement votre perception de la température extérieure. Quand il fait chaud, choisissez des aliments qui évacuent l'excès de chaleur que le corps cumule, plein de pastèques, de concombres, de menthe et de coriandre. La saveur sucrée, amère et astringente sont les trois saveurs à favoriser l'été. Consommez des fruits sucrés et gorgez d'eau sans modération. Laissez la viande de côté car elle aussi réchauffe le corps. Et réduisez les céréales et les légumineuses. Pensez à vous hydrater. Par manque d'eau, vous pouvez subitement ressentir une immense fatigue et des maux de tête. Buvez plusieurs petits verres d'eau par jour, en petite quantité mais à température ambiante et pas glacée. Je vais peut-être vous étonner, mais l'été est la saison la plus épuisante de l'année. Car rien n'est plus épuisant que la chaleur. Les émotions négatives qui auront tendance à remonter à la surface avec beaucoup de feu en soi sont la colère, la jalousie, l'irritation et la frustration. Observez-les monter en vous et gardez à l'esprit que le monde autour de vous vous influence. Alors entourez-vous de positif et laissez-vous couler tout en douceur. Et si vous appliquez ces petits conseils, vous y verrez une grande différence. Et comme je le dis toujours, ne croyez rien que vous n'expérimentez pas. Je vous souhaite une très douce journée ensoleillée. Vous pouvez me retrouver facilement sur internet en écrivant simplement « Les secrets de Mathilde ». Je vous dis à vendredi prochain sur Radio Guémozo.